Jak pijak w nocnym chórze próbowałem na swój sposób być wolnym. Jak robak na wędce, jak rycerz w jakiejś starej księdze zachowałem dla wolności swe chorągwie. Celui que vous entendez, c'est Maciej Zembaty. C'est la chanson Tak na Drucci. C'est une interprétation, une reprise d'une des chansons de Leonard Cohen. Comme je vous disais tantôt, on a fini par régler des petits problèmes techniques. Comme je vous disais tantôt, c'est une émission consacrée à Leonard Cohen cette semaine. Les reprises dans diverses langues de chansons de Leonard Cohen. Dans le site leonardcohenfiles.com, il est écrit, ce sont des gens qui recensent toutes les reprises de Leonard Cohen à travers le monde. Il est écrit qu'il y a au-delà de 2700 reprises et plus d'une centaine d'albums, un peu plus d'une centaine d'albums lui rendant hommage. C'est beaucoup de reprises. C'est probablement, comme le dit hier notre ami de l'émission Illusion auditive, Vincent Delisle, c'est possiblement l'auteur compositeur le plus repris à travers le monde. D'ailleurs, si vous avez raté Illusion auditive hier, je vous suggère fortement de la réécouter en balado sur le site de CKRL. C'était très bon. C'était non seulement Leonard Cohen, mais aussi des artistes influencés par Leonard Cohen et des reprises de chansons de Leonard Cohen. Alors, Maciej Zembaty, qu'on a entendu brièvement, c'est probablement celui qui a fait le plus de reprises de chansons de Leonard Cohen. Il a fait de reprises dans une autre langue. Dans ce cas-ci, en polonais, vous avez compris. Il a fait plus d'une soixantaine de traductions et il a chanté ses traductions en polonais. En 2010, il était sur scène avec Leonard Cohen à Cracovie. Il est décédé l'année suivante, en 2011. La chanson qu'on a entendue, c'est tirée de l'album de Leonard Cohen Baladi, 1983, qui comprend 17 traductions de chansons de Leonard Cohen, et dont la fameuse The Partisan. C'est une adaptation de La Complainte du Partisan, écrite à Londres en 1943 par Emmanuel d'Astier de la Vigerie et Anna Marley. Cohen l'a reprise en 1969, l'a réarrangé, a ajouté des couplets. Il a adapté une version anglophone qu'avait faite Hayes Arrête. Il a ajouté quelques vers originaux. Cohen a souvent dit que l'adaptation de Zareth avait accompagné les veillées des camps de jeunesse auxquels il a participé. On va écouter Partisan par Maciej Zembaty. I zażądał, bym się poddał. Powiedziałem nie. Partyzant. Partyzant. I zażądał, bym się poddał. Powiedziałem nie. Wziąłem broni, zniknąłem. zdanie zmieniam często, żona z dziećmi gdzieś przepadła, lecz przyjaciół mam. I kilku z nich jest ze mną. Stary człowiek nas ocalił, na swym strychu dał schronienie, potem nadszedł wróg i starzec zmarł bez jęku. Trzech nas było dzisiaj rano, a wieczorem sam zostałem, jednak muszę trwać. Granice są więzieniem. Wicher wieje, wicher wieje, nad grobami wicher wieje, wolność musi przyjść, a my wyjdziemy z cienia. Wicher wieje, nad grobami wicher wieje, wolność musi przyjść, a my wyjdziemy z cienia. Wicher wieje, nad grobami wicher wieje, wolność musi przyjść, a my wyjdziemy z cienia. C'était donc la chanson Partisante par Maciev Zembetsi. On poursuit avec Ofer Galani. Ofer Galani, c'est un juif qui vit à Jérusalem. C'est un antimilitariste. C'est quelqu'un qui a souvent dit qu'il voudrait transformer les armes en guitare avec sa musique. Sa musique, d'ailleurs, a été bannie de la station de radio de l'armée israélienne en raison des messages antimilitaristes qu'elle comporte. Il se sent connecté, dit-il, aux mêmes racines juives que Cohen, à la fois croyant mais critiquant d'une certaine interprétation, d'une certaine façon de vivre la foi juive. On va l'écouter dans Who by Fire. Ça, c'est tiré d'un album Hebrew Translation of Leonard Cohen. Ensuite, on va écouter Nina Hagen, l'Allemande Nina Hagen, dans By the River's Dark, Am Dunklen Floss, et puis Mr. Greenbird, Leb Vol Marianne, So Long Marianne. Mr. Greenbird, j'ai pas besoin de vous parler de Nina Hagen, mais dans le cas de Mr. Greenbird, c'est Sarah Nuken et Stephen Bruckner. C'est un duo qui a débuté sur scène folk pop en 2006. Les deux chansons vont être tirées d'un album qui vient tout juste de sortir pour rendre hommage à Leonard Cohen. Alors qu'il a 80 ans, c'est Poem Leonard Cohen in Deutscher Sprache, dans la langue allemande. On va d'abord écouter Ofer Galani, ensuite Nina Hagen et puis Mr. Greenberg. מי במים, מי בשרוח החמה, מי באבי הליל, מי שרי אל, מי במלכודת בשרי, מי בניסן את גאולה, ומי בשרק, ומי שם. מעבר לדלת מי ארומה על ברכיה מי בשם מרגיע מי בנתיבות האהבה נלקח באכזבה מי במפולת ומי באבקה מי ברשת החמדה מי ברעב ובצמה של מי הכל הקורא לי אומץ לב מי בתאונה מי בפתידותו ומי דרך המראה מי בשליחות מלכות ומי במו ידה מי באזיקים ומי בזוהר כוחותה ומי השואל Morschen zwei gläsernen Lied und bau für die Herrlichkeit. Leb die Wahrheit, sing den alten Song. Wenn ich vergesse, es ist Babylon. Und ich wusste nicht, weil ich nicht sah, wer mich jagte und wer bei mir war. Es fließt der Fluss und er fließt davon. Das Leben geht weiter in Babylon. Ich sing dies Lied für dich. Mein Herz gab ich in deine Hand. Dabei dachte ich, ich wäre ein cooler Gypsy King, bevor ich in dir nach Hause fand. Weißt, ich war so gern dein Freund. Mit dir vergaß ich glatt die Welt. Oh, ich vergaß das Gebet für den Engel. Und nun seh ich, dass der Engel fällt. Leb wohl, Marian, jeder Tag war wunderbar, doch nun lach und wein und wein und lach über das, was einmal war. Ich traf dich, da warst du noch so jung. Im fliedergrünen Park. Du hielst mich fest, als wäre ich ein Gott für dich. Und jeder Kuss traf uns ins Mark. Leb wohl, Mary. Du warst so. Doch nun lach und wein lach über das, was einmal war. Es sagt dein Brief, dass du doch bei mir bist. Warum fühle ich mich? Très belle interprétation de la chanson So Long Marian par Mr. Greenberg. On s'en va à la pause et au retour, on va écouter une version surprenante de d'Alléluia par le Séléganais Wassis Diop. Et plusieurs autres. Découvrez dès maintenant la programmation Agriculture du Cercle ainsi que l'ensemble de ses autres sphères d'activité au www.letraitdunioncercle.ca. Vous organisez une soirée pour le temps des fêtes avec vos collègues, une journée de formation à votre travail, Pastissimo est là pour vous. Notre équipe d'expérience vous conseillera pour que le volet culinaire de votre événement soit réglé simplement et sans souci. Informez-vous au 88 688 2805 ou pastissimo.com. Le Palais Montcalm vous offre le meilleur de la musique du monde avec Richard Desjardins, Alexandre Dacosta et Alexandre Etier. Laissez-vous émouvoir par la poésie de Federico Garcia Lorca lors du concert Soleil d'Espagne, rendant hommage à l'œuvre de ce poète ainsi qu'à la musique espagnole. Avec Richard Desjardins à la narration, Alexandre D'Acosta au violon et Alexandre Etier à la guitare. Le 3 octobre, vivez la musique à son meilleur avec Soleil d'Espagne, vie et poésie de Lorca. Détails au palaismontcalm.ca. Pour une troisième année, la Ligue québécoise d'impro BD prendra d'assaut la scène du Cercle pour présenter ses affrontements mensuels. L'impro BD, c'est un spectacle unique unissant jeu, dessin et musique où tout est mis en place pour tirer le maximum du talent et de l'imaginaire des joueurs. Prochain match, dimanche 26 octobre, 20h au Cercle, 228 rue Saint-Joseph-Est. Entrée, 5$. La Ligue québécoise d'impro BD est une présentation du Festival de la BD francophone de Québec en collaboration avec CKRL. Vous aimeriez faire élaguer vos arbres avant que le gel s'installe? Optez pour un professionnel de la santé des arbres. Julien-Pierre Lafrance, arboriculteur élagueur et son équipe, vous offre d'élaguer, de fertiliser ou d'abattre vos arbres tout en vous débarrassant des résidus. Spécialisé en construction dans les arbres, Julien-Pierre Lafrance fait aussi l'installation de tyroliennes, de passerelles et de plateformes dans les arbres. Informez-vous sur soindesarbres.com ou au 418-455-1855. Service conseil disponible. Vous êtes toujours sur les ondes de CKRL, ckrl.qc.ca, sur Internet, sur le site web, où vous trouvez la programmation, où vous trouvez aussi les podcasts, les balado-diffusions des émissions, dont celle d'aujourd'hui, après l'émission, évidemment, et de celle des, je crois, c'est 3, 4 ou 5 émissions antérieures. Sinon, vous allez sur le site lesoreillesailleurs.net, le blog de l'émission Les Oreilles Ailleurs, et là, vous allez trouver les émissions depuis le tout début de l'émission Les Oreilles Ailleurs, c'est-à-dire en décembre 2013. Wassis Diop est un chanteur sénégalais qui a fait de la musique du monde avant que ça s'appelle World Music, musique du monde, tiens, fusion, jazz, enfin, toutes sortes de genres, de styles musicaux, mélange aussi de beat afro, afro-pop. Il avait fait un certain distance discographique, mais en mai 2008, il a publié, après un long silence, disons-le, un nouvel album qui s'intitule « Joudoubek, la joie de vivre ». C'est plutôt acoustique comme album, c'est une fenêtre sur l'univers riche de Wassis Diop, ça vaut la peine de l'écouter. Dans l'album, il y a une version surprenante de la chanson de Leonard Cohen, une reprise de la chanson de Leonard Cohen, « Alléluia », la fameuse chanson que tout le monde connaît, probablement la chanson la plus célèbre de Leonard Cohen. Il l'a rebaptisé l'ange Djibril. C'est l'évocation de son frère Djibril Diop Mabéti, pardon, qui est mort en 1998. C'est un album très personnel aux ambiances waté chantées en français et en wolof. Il offre une vision moderne de la musique africaine à travers cet album Wassis Diop. On va écouter cette chanson qui évoque son frère Djibril, l'ange Djibril. Kérok lo won ta djibon nek xali touti re ci goute gi ngeute sama lo wam lo mande nema bul ko fatte Jam Logan, tu ne fous pas, ce gars, Yam le dorsi, tu n'as pas tant d'anglais, il n'est que ton meilleur commune. Paul le Église, pour ne pas d'être Sanguna, tu dormis, nana, tu m'as mis, Jam le dorsi, tu n'as pas tant d'anglais, yene kutonga yokuna ole ya N'est-ce pas que c'est une version surprenante de la chanson Alléluia, l'ange Djibril de Wassis Diop, surprenante mais tellement belle. On va revenir à un album dont je vous ai fait jouer deux extraits tantôt, un album qui vient tout juste de sortir, Poem Leonard Cohen in Deutscher Sprache. Annalous y a fait une interprétation en allemand de One of Us Cannot Be Wrong. Ça s'intitule Einer von uns muss sich irren. Annalous, c'est la chanteuse du groupe Silly, dont j'avais fait jouer des chansons il y a deux ou trois émissions. Groupe de l'Allemagne qui a débuté en Allemagne de l'Est et qui est maintenant de l'Allemagne. Elle s'est jointe à ce groupe en 2006. Elle a déjà joué dans un groupe punk qui s'appelait Leck Mich am Arsch. Elle a étudié la musique à l'école de musique de Hambourg. Elle a étudié la danse, elle a joué. Elle est une actrice aussi, donc elle a étudié le théâtre. Enfin, elle a plus d'une corde dans son arc. On va l'écouter dans cette chanson et ensuite on va écouter Luis Eduardo Otis. C'est une chanson qui est parue quoi en 1989, je crois. Enfin, peut-être un peu plus tard. C'est la chanson The Future, mais El Futuro en espagnol. Luis Eduardo Otis, c'est un espagnol, mais qui est né à Manille. Et oui, parce que son père travaillait pour une compagnie de tabac là-bas depuis 1919. Alors, il est né donc à Manille. Son père est catalan, donc il est catalan, mais il est revenu en Espagne plus tard. Il est né en 1943 à Luis Eduardo Otis. C'est un acteur, c'est un auteur-compositeur, c'est un réalisateur de cinéma, c'est un peintre, c'est un poète. Quoi de mieux pour interpréter des chansons de Leonard Cohen? Donc, on va écouter Annalous et ensuite Luis Eduardo Otis. Ich starr in das Licht deiner Kerze, wünsch mir, dass du mich vermisst. Im Raum schwirrt nur ein Moskito, schätze, dass der mich gleich sticht. Wie im Irrsinn der Nacht, diese schlaflosen Nacht, ich schwör, ich die Mücke lossprich. Ja, ich schwör, jeden Eid nachts quäl ich dein Kleid, dass du Trost für die Welt, nicht für mich. Nicht für mich. Ich klagte mein Leid einem Doktor. Er meinte, ich wär längst verloren. Er stellte sich selbst ein Rezept aus. Dein Name kam darin vor. Dann schloss er sich ein in seinem heiligen Schrein, trieb mit all unserer Liebe nur Spott. Jetzt hab ich gehört, er sei völlig verstört und seine Praxis lang schon bankrott. Ein Heiliger schenkte dir Liebe. Ich kaufte mir sofort sein Buch. Darin schreibt er die Größe von Liebe. Liegt allein schon in ihrem Versuch. Endlich wurde mir klar, der Mann spricht so wahr. Doch dann sprang sein Fleisch liegt da im Dreck, doch sein Geist ist nicht weg. Es plappert hier seitdem so klug. Zeigte mir Fotos, da spielst du die Katze im Schnee. Der Mann hat mir zitternd gestanden, deine Schönheit, sie täte ihm weh. Nun ist er starr wie der Gletscher am Berg und der Nordwind taut ihn nicht mehr auf. Du stehst da in Weiß auf deiner Wolke aus Eis. Ach, bring mich mit dem Sturm zu dir rauf, zu dir rauf. Alguien para torturar, no hay nadie por aquí, me siento solo. Quiero el íntegro control sobre toda la nación y acuéstate a mi lado, es una orden. Coge el último ciprés antes de que cuente tres y mételo en el culo de tu cultura. Venga ya, dame el telón. ¿Dónde está la Inquisición? He visto el futuro, es un crimen. Esto va a rodar por todos lados, no habrá nada, nada que se tenga alrededor. Los vientos del horror cruzan el tiempo, dejando traspuesto el firme corazón. Dóblate y perdón, y yo qué coño sé. Dóblate y perdón, y yo qué coño sé. Dóblate y perdón, y yo qué coño sé. No tiene pero fui yo quien escribió la Biblia. Ejércitos de gran valor vi caer sin remisión, pero si hay amor, habrá vida. Tu siervo aquí alza la voz, deja el rebelde, deja la hoz. Esto es el fin, se ha acabado. Y cuando el cielo se paró, el mismo diablo se calmó. He visto el futuro, es un crimen. Esto va a rodar. Por todos lados no habrá nada, nada que se tenga alrededor. Los vientos del loco ocupan el tiempo, dejando traspuesto el firme corazón. Dóblate, di perdón, di perdón. Y yo qué coño sé. Dóblate, di perdón, di perdón. Y yo qué coño sé. Dóblate, di perdón, di perdón. Y yo qué coño sé. Desde Kabul a Londres, Tánger, Nueva York, ya solo queda ver lo peor. Habrá espectros, habrá fuego y dolor, pero aquí no acaba el baile. Y verás colgando a tu mujer e hijos. Maldecirás a aquel que lo hizo, mientras los pobres poetuchos cantarán, imitando a Charlie Manson. No acaba el baile. Venga y ábrame el telón. ¿Dónde está la Inquisición? Dame a Cristo, dame Hiroshima. Destruye otro feto ya, no quiero niños a mi edad. He visto el futuro, es un crimen. Esto va a rodar por todos lados, no habrá nada, nada que se tenga alrededor. Los vientos del ojo ocupan el tiempo, dejando traspuesto el firme corazón. Dóblate, di perdón, di perdón. Y yo qué coño sé. Dóblate, di perdón, di perdón. Y yo qué coño sé. Dóblate, di perdón, di perdón. Y yo qué coño sé. Dóblate, di perdón, di perdón. El Futuro de Leonard Cohen. Il n'y a que des chansons de Leonard Cohen cette semaine. C'est une façon de lui rendre hommage alors qu'il vient d'avoir 80 ans et qu'il vient de sortir son 13e album. El Futuro, le futur, The Future. Je me rappelle très bien, j'avais peut-être autour de 40, 41, 42 ans quand j'ai vu Leonard Cohen chanter cette chanson sur scène. Je ne vous dirai pas en quelle année. On va poursuivre avec... Mikhail Rykov, c'est un russe. La chanson, c'est Famous Blue Raincoat. J'ose pas le dire en russe. C'est tiré de la compilation Four Songs for Leonard Cohen qui est parue en 2011. Mikhail Rykov était à Ottawa Le 21 septembre, au Café Nostalgica du campus de l'Université d'Ottawa, c'était le Leonard Cohen's 50th Birthday Festival. Donc, c'était une soirée pour rendre hommage à Leonard Cohen à l'occasion de ses 80 ans. Et il y avait de la poésie de Leonard Cohen en français, en anglais. Il y avait des chansons aussi par un groupe de là-bas, Four Songs. L'album qui s'appelle, attendez un petit peu que je retrouve le nom. Bon, j'ai pas le nom. C'est pas grave, de toute façon, c'est A Tower of Song, l'album. C'est un groupe d'Ottawa, le groupe d'Ottawa, pardon. Et il y avait Michael Rykoff dans cette chanson fameuse Blue Raincoat. Ensuite, on va écouter Ebba Forsberg. Ebba Forsberg que j'avais fait jouer au début de l'été. Ebba Forsberg qui a sorti un album qui s'appelle Dance Me to the End of Love. Pardon, l'album s'appelle Tamin Vals. C'est la chanson Dance Me to the End of Love dans sa Mejetil Karl Ken. L'album date de 2011. Ebba Forsberg chante, réinterprète, je devrais dire, Leonard Cohen, parce que les chansons sont à peine reconnaissables. Certaines des chansons sont à peine reconnaissables. L'orchestration est revue, les textes sont, dit-on, parce que je ne comprends pas le suédois, mais dit-on qu'ils sont, les textes sont savoureux. Donc, on écoute Michael Rykoff et ensuite Ebba Forsberg. Четыре утра, за окном снег и тучи, с надеждой пишу, что тебе уже лучше. Люблю свой Нью-Йорк, здесь мороз не помеха, на Клинтон-стрит вечный энджаз и потеха. Я слышал, ты строишь маленький домик где-то в пустыне. Живешь очень скромно, надеюсь, ты пишешь, не сгинул в унынье, да. А здесь Джейн зашла с твоей прядью волос, что ты, уходя, ей принес. Сказал, что все хочешь забыть. Удалось ли забыть? В последний раз выглядел ты много старше, плащ порван и сам, словно пленный на марше. Ты ждал каждый поезд, а встретил лишь ветер. Вернулся один, ничего не ответил. И ты смял мою Джейн. Ландыш грубой рукой, а после оставил ничьею женой. Да по мне ты цыганка на крат, что ворует и рад. Но вот Джейн проснулась, шлет свой привет. Ну что рассказать тебе, брат мой, мой Каин? Что мог бы тебе я сказать? Спасибо судьбе, что свела нас, прощаю. Не думал, что буду скучать. А решишь навестить? Джейна, может, меня? Что ж твой враг крепко спит и свободна она, твой должник за печаль, что ты снял с этих век, я не пробовал сам никогда, думал это навек. Джейн зашла с твоей прядью волос, что ты, уходя, ей принес. Сказал, что все хочешь забыть. Твой искренний Коэн. C'est ce qui m'a fait à l'émission Les Oreilles ailleurs de cette semaine, un hommage à Leonard Cohen, ses 80 ans, et pour son dernier album, Ebba Forsberg. On n'aura pas le temps d'écouter la chanson au complet, mais bon, on va sûrement avoir l'occasion de se reprendre parce que j'aime beaucoup cette chanteuse suédoise. C'est Michel Bonaparte qui suit avec l'émission Topique du Capricorne. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite une très bonne et très belle semaine. Au revoir.